Yeah, ok. Le rap me crispe, je risque la mort, qui sait, peut-être dans un an ou deux, disait, viens-t'en tirer, avant toute la pâtée, on m'a croisé. Un geyser pété dans un coma, irrécupérable, incurable, m'ont enterré vivant, avant même que je fasse mon serment. Écoute petit, la musique me détruit, si je persiste, j'aurais peut-être la clé de la réussite. Dans ce cas, je ressuscite, ce qui paraît, les rumeurs suscitent que la rumeur veut m'exploiter. Alors je repars dans mon petit monde. Les petits lapins, les papillons, là, la violence s'arrête de rigoler, déjeuner. Alors je repars dans mon petit monde. Les petits lapins, les papillons, là, la violence s'arrête de rigoler, déjeuner. Alors je repars dans mon petit monde. Les petits lapins, les papillons, là, la violence s'arrête de rigoler, déjeuner. Alors je repars dans mon petit monde. Les petits lapins, les papillons, là, la violence s'arrête de rigoler, et le pigeonner. Yeah, yeah. Ok, aujourd'hui je suis rempli de rancœur comme Rocon qui sort ton cul. Nique les histoires qui font marcher les rumeurs à deux balles au village pâle qui étale ta vie sur la banque arrière. Et les minots qui se font prendre le cul, qui se prennent pour des putes, qui m'amènent la vie des proxénètes au cinéma et au sénat. En tout cas je baise des tas, car j'ai pas le trac. On traque et tourne un putain de bête de baise. Alors je repars dans mon petit monde. Les petits lapins, les papillons, là, la violence arrête de rigoler et de pigeonner. Alors je repars de mon petit monde. Les petits lapins, les papillons, là, la violence arrête de rigoler et de pigeonner. Alors je repars dans mon petit monde. Les petits lapins, les papillons, là, la violence arrête de rigoler et de pigeonner. Allez DJ, on voit la sauce qu'à la sauce avancée. Avant que le son te mette à rude épreuve, que tu sois veuf et que ta meuf sa puce, elle ramène la vérité. Les mecs du quartier pour niquer la français qui nous hey, t'inquiète, je rappe pas qu'un rime afro franco. Nique les langues de pute de cerco, braque sa banque et ramène des lingots. Avant que nos rêves se brisent par Freddy le natrigué. Que la franchise qui nous baise la fin, la chemise. Et que ta sœur alors dealer. Qu'on squatte, qu'on monte les watts, elle baisse ta garde, alors baisse ta garde, qui nous nique sa race. Dans le sexe. Alors je repars de mon petit monde, les petits lapins, les papillons, là la violence arrête de rigoler et déjeuner. Alors je repars dans mon petit monde, les petits lapins, les papillons, là la violence arrête de rigoler et déjeuner. Alors je repars dans mon petit monde, les petits lapins, les papillons, là la violence arrête de rigoler et de pigeonner. 3h de 0 max, c'est parti. Ok. Alors c'est comme ça la vie qu'on met. On te déteste, on te teste. À ce qu'il paraît, on me déteste. Alors je repars. Oh mon petit monde. Voilà, violence, arrête de rigoler, de pigeonner, de pigeonner. Yeah, yeah, ok. Le 3 tirage de 0 max, mac. C'est comme ça qu'on fait les mac. Là, arrête de pigeonner et de rigoler. Alors je repars de mon petit monde, les petits lapins, les papillons, la violence arrête de rigoler et de pigeonner. Yeah. Ok. Yeah. Alors je repars de mon petit monde, les petits lapins, les papillons. Arrête de rigoler et de pigeonner. Ouais. Yeah.